Blockbuster. Alors, vous avez fait une émission sur Kirby. Bon, écoutez, moi j'ai joué à tous les épisodes sur Super Nintendo et j'ai rien compris à l'émission. Voilà. Salut Blockbuster, merci pour votre dernière émission que j'ai trouvée trop drôle parce que votre invité qui utilise des expressions anglaises à tout bout de champ mais qui dit DC pour parler des DC Comics, je trouve ça trop drôle. Salut Blockbuster, et ici Fabrice, Paris 19e. Pour moi, ce sera un coup de gueule. 1 heure d'émission sur Jacob Kurzberg, Jack Kirby, sans jamais, jamais, jamais, jamais mentionner ses origines juives. Alors que c'est si fondamental dans la création de Captain America et dans le dessin de certains de ses personnages, comme il l'évoque dans l'interview avant. Voilà, allez, sans rancune et bonne continuation. Oui, bonjour, Blockbuster. J'ai entendu dire que vous faisiez une émission sur Twin Peaks aujourd'hui. Alors c'est ballot, je suis au travail, mais bon, je crois que je vais me mettre en réunion tout seul dans mon bureau, accompagné d'un damn good coffee. Merci Frédéric, merci d'avance pour l'émission sur Twin Peaks, parce que le feu marche avec moi. Bonne émission. To be or not to be, not to be. Ça me ferait bien mal d'aller voir ce film. Vous vous souvenez quand cette phrase, c'était juste une image? Non, parce que ce soir, je vais voir Kaamelott, et bah ça m'a fait vraiment mal. Le test PCR m'a fait vachement mal. Je crois que le pharmacien, je sais pas, il devait chercher un souvenir d'enfance. Et si on m'avait dit qu'un jour, pour aller au cinéma, faudrait se foutre un truc dans le nez. D'habitude, c'est quand tu fais du cinéma que tu te fous des trucs dans le nez. Maintenant, le box-office, on compte plus en spectateurs, mais en vaccinés. Ce film a fait 700 000 vaccinés sur sa première séance. Et c'est hyper chelou. Alors, je sais ce que vous vous dites. Mais attends, s'il a fait un test PCR ce matin, mon Dieu, c'est qu'il n'est pas vacciné. Oh, ça va, les vaccinés de dose, hein, calmez-vous, hein, vous n'êtes pas allé sur la Lune non plus. Vous êtes juste fait piquer dans un gymnase qui sent des pieds un peu plus vite que les autres. Hein. C'est pas comme si vous aviez construit un abri atomique dans votre jardin. La prochaine fois, moi, je vais demander à ce qu'on rajoute un peu de modestie dans le Pfizer. Hein. Bref, moi, j'ai eu que ma première dose. Donc là, pendant quelques jours, si je veux pouvoir aller voir un film, une expo ou une pièce de théâtre, il faut que j'accepte de transformer mon pif en gare de triage. Le pire, c'est que la semaine prochaine, il y a Suicide Squad de James Gunn qui sort et je veux le voir, ce film. Il manque plus qu'une fête du cinéma et mon nez, ça devient le tunnel de Fourvière. Elle est vraiment chelou, cette époque. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglis. Je vous demande de m'écouter. Ici votre directeur, M. Wojciech. J'ai la profonde tristesse de devoir vous annoncer que très tôt ce matin, votre camarade Laura Palmer a été découverte morte. Si aujourd'hui les séries télé ont la cote et proposent bien souvent des scénarios, une réalisation et un jeu d'acteurs et d'actrices plus poussés qu'au cinéma, ça n'a pas toujours été la norme. Pourtant, en 1991, Mark Frost et David Lynch, bien en avant sur leur temps, offrent au monde Twin Peaks. Une série qui, en plus d'influencer des tonnes d'autres séries mondialement connues, comme X-Files pour n'en citer qu'une, a posé les bases d'une révolution télévisuelle et narrative dont on sent encore les effets aujourd'hui. Pour revenir sur ce monument d'histoire des séries, j'ai à mes côtés Noreen Raja, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste culture chez Vanity Fair et membre de l'ACS, Association Française des Critiques de Séries. Exactement. Avec nous, je suis ravi de l'avoir avec nous, Charlotte Blum, bonjour. Salut. Vous avez réalisé le documentaire The Art of Television, les réalisateurs de séries, et vous affectionnez tout particulièrement Twin Peaks et le travail de David Lynch. C'est peu dire. Avec nous, il est de retour, Dedo, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes humoriste, je le redis, c'est des fois que j'ai oublié depuis la veille. Et vous jouerez votre spectacle Princesse Leia le 17 et 18 septembre à la Maroquinerie à Paris, avant de partir en tournée à partir de septembre. C'est tout dit. Également de retour, Romain Nigita, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes journaliste indépendant spécialisé en séries télé et vous écrivez entre autres, attendez, je prends mon élan, le JDD, le magazine Mad Movies, Allociné et Libération. Et on peut vous entendre de temps en temps sur France Inter dans l'Instant M. Oh, ça, les trois derniers, Allociné, Libération et l'Instant M, malheureusement, c'est plus trop d'actualité. Eh bien voilà, c'était un scoop. Voilà, on n'a pas préparé les auditeurs à entendre ça, mais c'est aussi une émission de révélation. Voilà. Ensemble, on va revenir sur la genèse de Twin Peaks, comment ce projet est né dans l'esprit de Mark Frost et David Lynch. Qu'est-ce qui en fait une série si singulière dont on parle encore 30 ans plus tard? Évidemment, on n'oubliera pas d'évoquer la musique envoûtante et inoubliable d'Angelo Badalamenti. Allez, direction l'autoroute des séries, première sortie, Twin Peaks. Yann, 11h30 du matin, nous sommes le 24 février. J'arrive dans les faubourgs de Twin Peaks, 10 km au sud de la frontière canadienne et 20 km au ouest de la frontière de l'État. Je n'ai jamais vu un aussi grand nombre d'arbres de toute ma vie. Comme pourrait dire W.C. Field, je préfère me trouver ici qu'au pôle Nord. Il fait 4 degrés Celsius et un ciel plutôt encourageant. Il me reste assez d'essence pour faire 102 km d'après la jauge. Il faudra que je pense à faire le plein avant de repartir. Rappelez-moi de vous dire combien ça m'a coûté. Le déjeuner se montait à 6,31 $. L'auberge du Grand Phare, c'est à 2 km de Lewis Fork. Je crois avoir rendez-vous maintenant avec le shérif Harry S. Truman. Je ne devrais pas avoir de mal à me rappeler son nom. Il devrait m'attendre au mémorial si tout va bien. Je suppose qu'il va me conduire en salle de réanimation où ils ont admis la fille qui errait dans la montagne. Une fois que je l'aurai vue, je chercherai un motel. Je suppose que le shérif va m'indiquer un endroit bien à un prix modique. C'est ce que je veux. Un endroit bien à un prix modique. Oh, j'allais oublier. Faut que je sache quels sont ces arbres. Ils sont vraiment étonnants. Vous venez d'entendre la voix du regretté Patrick Poivet, qui double aussi Bruce Willis évidemment, et qui doublait Kyle MacLachlan, voilà le fameux agent Dale Cooper dans Twin Peaks. Charlotte Bloom, de quoi ça parle Twin Peaks ? En surface, ça parle. Bon, en surface, c'est une série policière, quoi. Ça parle d'une jeune prom queen de la ville de Twin Peaks qui a été retrouvée morte et de savoir qui l'a tuée. Et en réalité, ça raconte le quotidien d'une petite ville américaine telle que Lynch les fantasme, ou en tout cas les vit encore dans sa tête depuis sa tendre jeunesse. Une ville qui n'existe pas réellement. Non, qui est un conglomérat de plein de petites villes du Nord-Ouest, de Snoqualmie, North Bend, voilà, petites villes qui se collent les unes aux autres. Alors, tout part donc de ce crime, cette jeune fille que l'on retrouve dans un sac plastique. Donc, évidemment, là, on parle de 1991. Depuis, on est vraiment habitué à ces agents du FBI qui débarquent quelque part en costard, avec les lunettes de soleil, les Men in Black et tout ça. Il y a X-Files qui nous a aussi habitués à tout ça. Mais initialement, à cette époque, on n'est pas du tout dans ce genre de série, Romain Nigita, quand Twin Peaks apparaît sur les écrans américains. Bon, on a des séries policières depuis toujours. On a une série qui s'appelait FBI, tout court. C'était des enquêtes du FBI, mais de manière un peu réaliste, inspirée d'histoires réelles. La plus grosse innovation dans l'enquête que suit Twin Peaks, c'est le fait qu'elle est au long cours sur plusieurs épisodes. Et c'est l'une des premières séries dramatiques américaines qui fait ça. Il y a eu bien sûr les soaps, qui étaient déjà d'histoire à suivre. D'ailleurs, Twin Peaks, dans sa manière d'écrire une petite ville, est une sorte de pastiche très noire des grands soap-opéras des années 80, comme Dallas, Dynasty, Falcon Crest, etc. Et sur l'élément policier à suivre, en fait, Mark Frost, qui est co-créateur avec David Lynch, s'inspire d'une série sur laquelle il a lui-même travaillé, qui s'appelait Hill Street Blues, qu'on a vu en France sous le titre Capitaine Furio, titre qui est complètement un non-sens par rapport à la série, puisque c'est l'une des premières séries chorales, avec plusieurs personnages, et dont on suit l'évolution des flics au fur et à mesure des épisodes. Donc c'était une des premières séries qui avait introduit cette notion de continuité au sein des séries dramatiques en dehors des soap-opéras. Et c'est vraiment sur cette base-là que Twin Peaks va innover, justement, en amalgamant tous ces éléments-là. Le côté, en effet, le FBI qui débarque dans une petite ville, le côté à suivre, le côté en même temps pastiche de ce qu'on voit par ailleurs à la télé, puisque même dans la série Twin Peaks, il y a une série télé qui est un soap que les personnages regardent, et tout ça en s'inspirant, en effet, de l'enfance des deux créateurs, à la fois cette fascination de Lynch pour les années 50, et aussi certains des souvenirs de Mark Frost, puisque dans une ville dans laquelle il allait en vacances quand il était gamin tous les étés, il y avait eu un crime un peu semblable avec une jeune fille retrouvée morte au bord d'un lac. Il avait été en plus élucidé que c'est son petit ami qui l'avait tué, mais en fait lui-même ne s'en souvenait pas. Et c'est des années plus tard, quelques années après avoir fait Twin Peaks, finalement il achète lui-même une maison dans la région dans laquelle il passait ses vacances d'été quand il était gamin, et sa mère lui dit « Bah tu te souviens, c'est là qu'on avait retrouvé une jeune fille morte au bord d'un lac ». Tout ça deux ans après la série Twin Peaks. Non mais elle doit mettre des super ambiances le dimanche. Oh, vous vous souvenez quand on était en camping avec les cadavres à côté, c'était rigolo. Donc c'est comme ça. Donc tout vient de Mark Frost en fait. Ça vient de du mélange de Frost et de Lynch. C'est vrai qu'on a tendance à un peu oublier Mark Frost dans cette histoire, mais ils sont vraiment co-créateurs à part égale. C'est pas pour rien si Mark Frost est revenu sur Twin Peaks The Return il y a 4 ans, qu'ils ont vraiment tout écrit ensemble. C'est vraiment le mélange de leurs idées autour d'une tasse de café. Ça s'invente pas. C'est vraiment comme ça. Ils se sont dit tiens, si on crée une petite ville, pouf pouf, ils dessinent une carte. Bah tiens, il y a deux montagnes. Ça s'appelait Twin Peaks, les montagnes jumelles. Ah ouais, mais moi quand j'étais gamin, j'habitais aussi dans l'État de Washington. C'est David Lynch. Ah oui, la frontière canadienne et tout, c'est un peu bizarre, c'est un peu les mêmes que nous et un peu différent, donc le côté doppelganger avec la frontière. Donc c'est vraiment en faisant une espèce de brainstorming comme ça dans une... Alors doppelganger, c'est double maléfique. Exactement, voilà. C'est la grande thématique de la série. Tout le monde a son double, les blondes ont un double brune, les gentils ont un double méchant, les Américains ont des doubles maléfiques de l'autre côté de la frontière qui sont des Canadiens qui font le trafic de drogue. Voilà, c'est vraiment... Et la ville a donc deux montagnes jumelles, c'est, dès le titre tout est annoncé. Noreen Raja, que représente Twin Peaks dans cette grande cosmogonie des séries ? Bah, pour moi, c'est la série matricielle, clairement. Je crois que c'était David Chase qui disait « Si un showrunner qui fait des séries au format 50 minutes vous dit qu'il n'est pas inspiré par Twin Peaks, c'est qu'il ment. » Et c'est vrai que quand on regarde Les Sopranos, enfin, tout ce côté un peu l'inconscient, un côté un peu surréaliste, les épisodes clairement qui se déroulent pendant un rêve de Tony Soprano, tout ça, c'est du Twin Peaks tout craché. Mais c'est pas le seul. Il y a vraiment toute une génération de showrunners qui parlent de David Lynch comme celui qui les a influencés. Je pense à Chris Carter pour X-Files. Alors, X-Files, sur la forme, c'est différent quand même de Twin Peaks. Enfin, il y a une forme feuilletonnante, mais il y a quand même des récits clos. Mais au fond, Murder et Scully, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des coins reculés de l'Amérique et puis ils détectent justement cette frontière du mal. Donc, et puis bon, il y a toute l'histoire des aliens et puis conspirationnistes et tout ça. Et puis il y a quelqu'un comme Damon Lindelof aussi qui vous dira clairement qu'il est lui il est complètement inspiré par Twin Peaks, par David Lynch. Il raconte que c'est ce qui lui a donné envie de raconter des histoires. Lost, bah il y a ce côté mythologie foisonnante. The Leftovers évidemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a appris aussi des horreurs de Twin Peaks, qui est de quand on lance une trame, c'est bien de savoir où on va. Et avec The Leftovers, il a dit, bon, bah, je vous le dis clairement, vous ne saurez pas pourquoi 2% de la population a disparu. Je n'y répondrai pas. Au moins, il n'y a pas d'attente déçue. Et puis, moi, je vois aussi dans Watchmen, l'épisode incroyable en noir et blanc. Pour moi, c'est un écho à l'épisode de Twin Peaks de la saison 3, qui est aussi en noir et blanc et qui revient à la source du mal, quoi. Donc, pour moi, je vois, alors je sais, c'est parce que je suis un peu obsessionnelle, mais je vois vraiment des traces de Twin Peaks partout, quoi. Ah bah, c'est la définition même d'une obsession. Oui. Mais c'est pas grave, on n'est pas dans le jugement à Blockbuster. Dedo, est-ce que vous pouvez nous raconter quelle est votre première rencontre avec Twin Peaks? Moi, c'était 91 sur la 5, en fait, hein, un peu comme tout le monde. Donc, la découverte de ce que je ne sais toujours pas ce que c'est. Scène de Monsieur Berlusconi. Exactement, Berlusconi qui avait... Et cette découverte-là, donc j'étais assez petit, donc... J'ai eu un peu la même réaction qu'a pu avoir, pour dire à quel point c'est un énorme pan de la pop culture. Homer Simpson, dans un des épisodes, tombe sur une scène donc qui est clairement inspirée, qui est même de Twin Peaks, où on voit un homme danser avec un cheval, et la réaction d'Homer est de dire c'est incroyable, impossible de savoir ce qui va se passer à l'avance, mais j'ai quand même envie de voir la suite. Et ben, c'est exactement l'effet que ça a eu sur moi, et je pense sur des millions de spectateurs à l'époque, parce qu'on a oublié à quel point c'était un véritable phénomène en 91. Il y a eu une Twin Peaks mania énormissime, des gens qui se réunissaient pour voir ça en communion, exactement comme pour Friends un petit peu plus tard, et c'est pas le hasard, c'est parce que David Lynch impose quelque part le cinéma dans un carcan télévisuel, ce qui est totalement nouveau, d'autant plus pour un créateur comme celui qu'on a découvert avec Eraserhead, qui est déjà assez symptomatique de son cinéma, c'est-à-dire amener de la bizarrerie totale dans la normalité. Ce qui est déjà pour moi une très bonne définition de ce que va être l'univers lynchien de Twin Peaks. Je regardais ça avec ma mère à la 5, justement, lors de la diffusion, et je me souviens, souvenir d'enfant, que j'étais souvent, mais terrorisé par l'ambiance, alors qu'il se passait pas forcément énormément de choses à l'écran, mais ces grandes forêts dans le brouillard, ces gens qui se regardaient bizarrement, des fois même qui se parlaient bizarrement, cette salle qui apparaissait onirique en rideau rouge avec cet homme de petite taille qui se mettait à danser, tout ça créait vraiment aussi un sentiment de fantastique, et j'avais le sentiment de regarder une série fantastique et non pas policière. Bah c'est le cas. Enfin, disons que c'est un peu des deux, c'est-à-dire que effectivement la trame de fond reste une enquête pour savoir qui a tué Laura Palmer, mais c'est aussi une série qui est énormément basée sur l'attrait qu'on a pour les personnages qui sont tous plus étranges les uns que les autres et qui fait que on aime être dans cet univers-là, quels que soient les événements qui vont se passer, on devient vraiment un habitant à part entière de la ville, on les observe et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de ne pas avoir forcément d'explication aux événements. Ce que Lynch a toujours arboré de base, c'est-à-dire que les gens qui lui reprochaient de ne pas donner de véritable signification aux actes qui allaient se passer dans la série, il leur répondait de très bonne manière, mais il n'y a pas forcément de sens logique à la vie, et c'est exactement la même chose. Moi, je pars du principe que si je suis touché par ce que je peux voir, j'ai pas besoin de tout comprendre pour passer un excellent moment. Alors la ville de Twin Peaks peut être un petit peu plombante par moment pour celles et ceux qui vont pas bien, donc on va faire une petite pause musicale avec une chanteuse qui est pas la dernière pour la déconne, Lana Del Rey avec Dark But Just A Game. It's dark but just a game, that's what he would say to me. The faces aren't the same, but their stories all end tragically. Sweet, what would ever pay be? And that's the price of fame, a deal as old as time. C'était Lana Del Rey qui va mieux dans Blockbuster sur France Inter. Nous sommes comme des détectives, nous, êtres humains. Nous voulons savoir. Nous voulons connaître la vérité des choses. Nous voulons savoir pourquoi. Mais dans le même temps, je dis que les mots ont des limites. Donc, le langage du cinéma, si vous dites quelque chose dans le langage cinématographique, à ce moment-là, vous le mettez dans un cinéma, vous le mettez sur un grand écran, ou vous le mettez à la demande, en vidéo à la demande, et puis après, les gens veulent que vous le disiez avec des mots. Mais c'est absurde. À moins d'être poète, comment pouvez-vous dire ce qu'il y a dans un film avec des mots? Mais le truc, c'est le cinéma, c'est le film. Il ne faut pas en parler. Il ne faut pas répondre aux questions à ce sujet. C'est dans le film. David Lynch, c'est dans le film. Amen. Mais je suis d'accord. Benjamin Ducie est allé à la rencontre des traumatisés Twin Peaks qui hantent les rues de Paris. La série de David Lynch est visiblement très ancrée dans les mémoires. Paris et Twin Peaks partagent parfois quelques moments d'étrangeté, comme ce matin où Dominique Farrugia se matérialise devant moi. Bon bah Dominique, qu'est-ce que ça représente pour toi la série Twin Peaks ? Eh bah moi rien, car je l'ai jamais vu. C'est vraiment très triste. Mais j'ai lu Victor Hugo. C'est intéressant. Ah oui, Victor Hugo, qui partage d'ailleurs avec Lynch une fascination pour la monstruosité, c'est vrai. Bon mais si tu l'as pas vu, c'est un peu nul, on va plutôt demander à des inconnus dans la rue. Série bizarre, poisseuse. Sur la 5 quand j'étais petit, si je me trompe pas. Alors oui, pour les gens comme nous qui avons découvert Twin Peaks sur la 5 quand on était gosse et qui avons vite navigué dans l'univers lynchien, la série est un pur plaisir. Pour les autres, ça peut être plus dur de s'y retrouver. Ça reste vraiment pour les fans de Lynch, peut-être ils aiment plus. Pour les gens, ils ont jamais connu le monde de Lynch, je pense que ça, ouais. Peut-être dans un premier temps, c'est un peu difficile justement. Mais qu'on ait aimé ou pas, la série a vraiment marqué tous ceux qui l'ont vu. Il faut dire qu'entre son atmosphère éthérée, son humour absurde et ses personnages tordus, la liste des particularités de la série peut continuer longtemps. Ce qui m'a marqué, c'est l'esthétique. Et il y a l'omniprésence du café de Dale Cooper aussi. Monsieur Cooper adore le café. La musique, évidemment, d'Angelo Badalamenti, elle est folle. C'est fou ce que j'aime, cette musique. Puis ouais, l'atmosphère Lynch dans toute sa splendeur. Elle est vraiment planante. Et puis le personnage d'Audrey Horne et sa démarche féline. Ça, normalement, on s'en souvient aussi. Enfin, il y a quand même un souvenir commun qui reste chez tout le monde. C'est bien sûr la Red Lodge, la loge rouge, et les êtres qui y habitent. Mais la Red Lodge, c'est quoi ? C'est déjà ouais, des personnes qui parlent à l'envers aussi. Il y avait un nain, il y avait aussi un géant. L'âme perdue du rôle principal, et il y a aussi une fille. Laura Palmer. Hein. Où on comprend aussi un rêve, où c'est juste de l'imagination, et elle se retrouve dans une salle rouge, totalement rouge. Et j'ai un peu le même souvenir qui retourne à chaque fois que je rentre dans une salle de cinéma rouge. Et bah ouais, bah ça je peux comprendre par exemple. Parce qu'en fait, au-delà de son étrangeté et de son humour, Twin Peaks, c'est aussi et surtout ce sentiment de peur qui reste, même des années après. Je me sens de l'avoir regardé toute seule, pour la première fois à 14 ans, et d'avoir bien flippé sur la fin. Et aussi que j'ai eu peur, et que c'est une des séries qui m'ont marqué le plus, je pense, au niveau de comment je joue une bonne série. Quoi. Merci à tous de m'avoir écouté. Charlotte Bloom, on l'a entendu, désormais il y a des gens qui jugent les séries sur l'échelle de Twin Peaks. Et j'aimerais qu'on parle du casting, parce que la réussite de ces séries, c'est une ambiance évidemment, mais c'est un casting, et notamment l'agent Dale Cooper, joué par Kyle MacLachlan. Le fameux, c'est un des témoins de la fidélité de David Lynch avec les comédiens avec qui il travaille, comme Laura Dern, comme Jack Nance. Quand Kyle MacLachlan arrive dans Twin Peaks, il a déjà fait Dune, il a déjà fait Blue Velvet. Moi, je le dis bien. Hein. Ah oui, vous le dites super bien. Je prévois de l'épouser, donc ouais. Je m'entraîne quotidiennement à dire son nom. Pour l'instant, ça marche pas, mais on sait jamais. D'autant plus que si tu l'épouses, tu l'appelleras Kyle, te prends pas la tête. Hein. Kyle, je l'appellerai, comme l'appelle David Lynch. Mais il s'entoure très régulièrement d'une famille, en fait. Il crée beaucoup une famille autour de lui, David Lynch, quand il travaille, et pas seulement sur les comédiens, aussi sur les techniciens. Enfin, c'est quelqu'un de très fidèle. Et là, l'extrait qu'on écoutait, où il parlait d'être tous des détectives, ça fait partie de sa masterclass, dans laquelle il explique aussi que l'ambiance sur le tournage, elle est majeure. Et on comprend, du coup, pourquoi il prend des comédiens qu'il connaît déjà. Et en plus, je pense qu'il a justement ce côté étrange qui fait qu'il faut comprendre ce qu'il dit quand il le dit, même s'il le dit pas. C'est assez spécifique à David Lynch. Et ce que je trouve formidable, j'ai par rapport à... J'ai eu des profs de théâtre qui... Un peu dans ce genre-là. Qui enseignaient de cette manière-là. Ouais. Mais vous ne voyez pas l'image que j'ai en tête. Non. Joue le plus bleu. Oui, oui, bon, alors oui. D'accord. Mais non, mais ce que je trouvais formidable par rapport au micro-totoir qu'on a entendu, c'est que finalement, quand on regarde Twin Peaks aujourd'hui, elle n'est pas si étrange que ça. Globalement, la trame est très simple. Et justement, parce que ce cast est assez formidable, l'important, c'est les personnages et la bizarrerie. Ce sont des micro-touches. Mais il a réussi à faire en sorte, par des images tellement fortes, que c'est tout ce qui nous en reste aujourd'hui. Et qu'il y a des gens qui arrivent à nous dire, en nous regardant dans les yeux, j'ai rien compris à Twin Peaks. Et t'as envie de dire, tu n'as pas écouté. C'est très simple, mais en fait. Je pense qu'on peut rester coincé sur la femme avec sa bûche et se dire, mais qui est cette femme et qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi, d'où vient-elle et pourquoi une bûche? Clairement, la femme à la bûche, c'est la voix de David Lynch. C'est tout l'univers de Lynch en une image, c'est-à-dire c'est le rappel de la mer. Et Lynch, c'est aussi quelqu'un qui a grandi dans la montagne, dans le Montana, près de la. Il est très très proche de la nature. Donc il y a cette bûche qui détient la vérité, quoi. Évident. Mais oui. Mais bien sûr. Mais oui. Et tout ce que raconte Twin Peaks, c'est ce qui est lynchien, c'est la méditation, le rapport à la nature et le fait de s'écouter soi, c'est tout ce que représente Dale Cooper et tout ce que représente également la femme à la bûche. Tout ce qu'elle dit, la femme à la bûche, c'est ce que dit David Lynch, tout est dans ma scène. Bon bah là je crois que c'est très très clair hein. En fait c'était assez évident. Mais justement Kyle MacLachlan n'a pas Kyle. C'est vraiment avec moi qui va finir. A parlé de son rapport particulier à David Lynch. On l'écoute. Il est venu chez moi un jour pour prendre une photo de mes marches. Mais il n'allait pas juste prendre une photo de l'escalier. Il a installé deux petites gouttières, un morceau de fil de fer, un petit bébé en plastique, deux hommes avec du chewing-gum sur la tête, a pris l'appareil photo et clic. Et c'est à peu près la meilleure façon dont je peux décrire David Lynch. Et quand vous lui avez demandé ce qu'il faisait, qu'a-t-il répondu ? Eh bien, il a dit qu'il mettait en scène une vie, vous savez, avec mes marches. C'était le seul but ? C'était ça, il était venu pour faire ça. Ah oui, on va même dîner ensemble. Voilà quel genre d'homme est David Lynch. Il vient chez vous pour prendre en photo vos marches et il est tout content, il repart. Après, c'est cohérent avec son cinéma, sachant que David Lynch vient de l'équivalent des Beaux-Arts, que c'est avant tout un artiste avant de devenir un cinématographe, un réalisateur, et que, il collectionnait les chewing-gums et les mouches. Donc oui, tout ça fait que derrière, il décline en fait ce qu'il est dans ses créations, ce qui est assez logique en définitive. Noreen Raja, il y a aussi dans Twin Peaks quelque chose dont je me souviens malgré mon jeune âge, c'est qu'il y avait une sensualité et quelque chose qu'on retrouve aussi dans Mulholland Drive d'ailleurs, notamment avec les personnages féminins. Et Blue Velvet aussi. D'ailleurs. Et Blue Velvet, et qui était absolument hallucinante. Et je me souviens que hommes et femmes, spectateurs et spectatrices, étaient des fois médusés par les femmes qui jouaient Lara Flynn Boyle, Sherilyn Fenn, etc. Ça laisse des souvenirs très très marquants. Oui, oui, clairement. Enfin, je pense qu'on se souvient tous de la danse de Audrey Horne. Oui. Et c'est vrai qu'il y a... Oui. C'était même pas un son d'humain, en fait. Non, c'est un son qui vient du cœur. Mais comme disait Charlotte, il y a un véritable amour de ces actrices qui se voient à l'écran. Et le casting est vraiment impeccable, en fait. Et même Laura Palmer, qu'on va, du coup, moins voir à l'écran. Beaucoup plus dans les flashbacks. Oui, voilà. Mais il y a quand même sa présence qui est là. Et il va lui rendre aussi un fantastique hommage dans le film qui, là, va vraiment lui permettre de revivre à l'écran et puis s'intéresser à ce qu'était Laura Palmer vivante, quoi. Oui, parce qu'il y a eu donc les deux saisons et il y a eu notamment un film qui retraçait les 7 jours qui ont précédé la mort de Laura Palmer. Et en fait, les spectateurs étaient demandeurs de réponses. Et lui s'est dit, très bien, je vais faire un film qui va vous poser plus de questions encore. Et c'est vrai que comment le milieu du divertissement, de la télévision et du cinéma a reçu Twin Peaks? Est-ce qu'on pouvait considérer ça comme un véritable succès, Romain Igita? À l'époque, c'était très compliqué aux États-Unis. Grosso modo, la première saison a été un énorme succès et la deuxième était un bide. Je vous le fais de manière très très courte. Hein. En gros, la première saison a surpris tout le monde et c'était le but de la chaîne à l'époque ABC qui était à la ramasse dans les audiences. Donc ils se sont dit, bon, on va commander des trucs expérimentaux à un peu tout le monde. Et finalement, ils ont réussi à sortir Twin Peaks du chapeau qui a en effet surpris tout le monde. Et le problème, c'est que la saison 2 s'est retrouvée notamment diffusée au moment de la guerre du Golfe. Donc les Américains avaient d'autres trucs à regarder à la télé. L'enquête sur la mort de Laura Palmer n'aboutissait toujours pas. Et donc un public qui était avide de réponses commençait un peu à s'ennuyer. Donc finalement, les scénaristes ont décidé de répondre à ça au milieu de la saison 2. Et ce qui suit derrière est très honnêtement un peu moins intéressant. Ça patine en tout cas pour donner de l'intérêt dans la série. Donc le public a commencé encore plus à déserter. Et la série donc se finit à la fin de la saison 2 sur un cliffhanger qui n'a jamais été résolu sauf en 2017. Mais donc la série à la fin de la saison 2 est considérée comme un échec. C'est le modèle à ne pas suivre. Et tout à l'heure on parlait de Damon Lindelof par rapport à Lost. Et en fait quand J.J. Abrams et Damon Lindelof ont pitché Lost à la chaîne, la même chaîne d'ailleurs, ABC, ils leur ont dit non, vous inquiétez pas, ça sera des histoires bouclées, les téléspectateurs pourront entamer la série à n'importe quel moment et comprendront tout, parce que ça sera pas comme Twin Peaks. Les gros menteurs, en effet. Il faut dire qu'à l'époque de Twin Peaks, il n'y a pas de replay, évidemment, il n'y a pas de DVD, il n'y a même pas le TiVo, l'enregistreur numérique américain. Donc si vous loupez un épisode, c'est impossible de comprendre ce qui se passe par la suite. Et c'était le gros problème des séries à l'époque, et c'était compliqué d'imposer des séries à suivre. Donc voilà, pendant des années, c'était un peu resté comme la série maudite. Et d'ailleurs, en France, vous tombiez sur des gens qui disaient « Ah oui, Twin Peaks, c'est génial, d'ailleurs, on n'a jamais su qui tuait Laura Palmer. » Mais encore aujourd'hui. C'est ça, donc c'est un peu le truc qu'il fallait donner le titre de Twin Peaks pour briller en société, ouais. C'est un peu comme les séries comme The Wire ou Mad Men, on les a pas vues mais faut dire que c'est bien. Oui. Alors je me rends compte que tout à l'heure avec Lana Del Rey, on n'était pas trop dans l'ambiance, on fait tourner les serviettes tout ça, donc place au rire et à la galéjade avec Dérive urbaine dans la ville cannibale. Ah. Cette émission est réalisée par Céline Hila, elle a été préparée par Manon Rack, Cyril Marchand et notre stagiaire Robinson Radenac et notre stagiaire réalisation Véronique Ameyer. Cherchant notre chemin, on s'était arrêté dans une ville éventrée, le monde s'embourbait dans les rues encombrées, poursuivis par des averses sans fin. Vite, nous nous sommes engouffrés dans une bouche de métro édentée. Escalator mécanique désarticulé. On se pressait dans la mêlée, sans s'entendre ni se parler. Entre deux souffles, nos sens à l'affût désorientés, on a suivi le flux. Le flux de la foule, le flux de la foule, le flux de la foule, le flux de la foule. Comme un intestin, on a suivi les gens dans l'air moite, le fracas, tout devenait flippant. À coups de pelle mécanique frénétique, les bulldozers au-dessus nos têtes défonçaient les chaussées décrépites, ignorant les frêles, les mous, les neurasthéniques. Les flics semaient le chaos avec leur sirène américaine. Entre deux souffles, nos sens à l'affût désorientés, on a suivi le flux. C'était Françoise Breu avec Dérives urbaines dans la ville cannibale. Frédéric Sigris. Sarah Connor. C'est à côté. Blockbuster sur France Inter. Twin Peaks est pour certains une des meilleures séries du monde. Hein. C'est vrai que Romain Nigital a dit, c'est la série qu'il faut citer pour briller en société. Mais même une œuvre aussi culte, il y a des gens des fois, ils n'aiment pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Eh bien, figurez-vous que des critiques de séries qui disent du mal de Twin Peaks, on n'en a pas vraiment trouvé. Et je me suis dit, mais c'est quand même dingue. Est-ce qu'il y aurait une sorte de cabale, de société secrète de critiques séries qui s'est dit, nous n'avons pas le droit de critiquer Twin Peaks. Donc je vous pose la question autour de la table. Est-ce que vous savez des choses que j'ignore sur ce sujet? Comment ça se fait qu'on n'a pas vraiment le droit de dire non, c'était pas bien Twin Peaks? Je pense justement parce que l'influence de la série est tellement énorme que dire qu'on n'aime pas Twin Peaks, c'est donner l'impression qu'on n'y connaît rien en série, en fait. C'est manquer de goût. Je pense qu'il y a... Alors, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Mais si, tu le penses, donc dis-le, vas-y. Hein. Mais je crois que oui, il y a quelque chose comme ça. Il y a des œuvres, quand on est critique, qu'on ne peut pas désavouer, en fait. Ah, c'est comme Citizen Kane au cinéma, même quand on ne l'a pas vu, on me dit c'est Citizen Kane, il est Orson Welles. Et c'est sûr, j'ai déjà entendu des gens me dire bon, j'ai vu le premier épisode de Twin Peaks, je ne sais pas, je ne rentre pas vraiment dedans, je vais peut-être regarder. Et bon, on n'en a jamais reparlé, donc j'imagine que bon, ça s'est arrêté là. Mais je pense que effectivement, tout le Whodunit, comme on dit, toute la phase criminelle, en fait. Alors, le Whodunit, j'explique, hein, parce que vous savez vraiment, c'est une bataille de tous les instants avec les anglicismes. Whodunit, c'est qui a commis le crime. Voilà. C'est ça, exactement. Toute cette trame-là qui fait que pour moi, Twin Peaks, c'est peut-être l'une des œuvres, l'une, parce que il y en a d'autres, mais qui est la meilleure porte d'entrée de l'univers de Lynch, parce que c'est clair, la question c'est qui a tué Laura Palmer, et on sait qu'on va aller dans l'enquête et dans la découverte des secrets des habitants, des secrets de Laura Palmer et tout ça. Mais après, effectivement, David Lynch, lui, était pas vraiment intéressé par les données des réponses, qui est très bien avec le personnage, il aime pas expliquer son œuvre. Et comme il a été poussé un peu par la chaîne, à la fin, c'est vrai que dans la deuxième saison, ils partent plus dans l'explication de la mythologie. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont décroché à ce moment-là, quoi. Après, oui, c'est assez récent, parce que on n'a pas hésité à dire du mal de Lynch. Par exemple, à la sortie de Firewalk With Me, le film s'est fait descendre à Cannes, il a été hué par toute la salle, et il a été conspué, il a juste été réhabilité une dizaine d'années plus tard, certainement parce que les gens l'avaient pas compris à l'époque, et aussi parce que Lynch a été un peu après adoubé comme par une sorte d'intelligentsia qui disait « bon, quand même, c'est un auteur incroyable, donc peut-être qu'on n'avait rien compris à son cinéma ». Ce qui est totalement vrai, pour le coup, parce que le film reste assez incroyable dans ce qu'il raconte, même au-delà du côté préquel et des nouveaux événements, enfin des nouvelles choses qu'on apprend sur l'enquête. Il dit beaucoup de choses dans son cinéma d'entrée. Le film démarre sur quelqu'un qui casse une télé, et déjà il exprime le fait qu'il a cassé les codes télévisuels et que maintenant il va faire la même chose avec son cinéma. Donc il a cassé le cinéma à ce moment-là. Mais ça, contrairement à la bulle, j'avais bien compris. Ah bah voilà. T'as deux, trois. Mais parce que j'étais plus vieux. Parce que l'électronique te parle plus que la nature. Ouais, je te connais très bien. Lu des livres et tout, j'étais pas du tout le même. Évidemment. Bah, moi je le sais, moi. Non, c'est sûr. Romain Nigita, est-ce que vous, qui fréquentez énormément de gens qui ont vu des heures et des heures de séries télé, est-ce que Twin Peaks est aussi en privé un petit îlot insulaire de critiques? Je pense que ça dépend de quel Twin Peaks on parle. Est-ce qu'on parle de Twin Peaks, la série originale, saison 1 et 2, celle qu'on a vue sur la 5, dont on a beaucoup parlé là, ou est-ce qu'on parle de l'intégralité de l'œuvre, c'est-à-dire non seulement le film, mais aussi Twin Peaks The Return, cette vraie fausse saison 3 qui, pour moi, est autre chose. C'est aussi différent de la série originale que le film était déjà différent de la série originale. Je pense que cette dernière partie en date, elle fait beaucoup moins consensus. Oui, la saison 3. Bah pour moi, c'est pas une saison 3, parce que c'est pas une suite du concept original. Ah oui, alors effectivement, il y a beaucoup. Alors là, on est vraiment très loin dans le désaccord. Ça s'appelle Twin Peaks, mais ça se passe quasiment pas dans la ville de Twin Peaks. On a quasiment pas les personnages d'origine. En tout cas, ils sont quasiment tous éjectés, à part Dale Cooper, et encore pas sous sa forme de Dale Cooper, véritablement. Les nouveaux personnages sont, à mon sens, pas très intéressants. Il y a un côté fascinant, mais il manque toute l'émotion de la série d'origine et du film. J'aime beaucoup le film également, même s'il est très différent de la première série. Ah, il y a autour de la table, ça dodeline. Ça dodeline voilà, beaucoup. Justement, voilà, je pense que c'est sur The Return qu'on peut justement trouver des points de désaccord. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué de trouver des gens qui n'aiment pas Twin Peaks, ou en tout cas qui osent dire qu'ils n'aiment pas Twin Peaks. Bon, Charlotte Bloom, j'ai l'impression que personne, de toute façon, n'osera dire qu'il n'aime pas Twin Peaks devant vous. Attention, moi je veille personnellement à ça, et il y a eu des accidents. Hein. Il y a eu des vengeances. D'ailleurs, si les éditeurs ne le voient pas, il y a le regard qui va avec ça. Ouais, il y a eu des accidents sur les marches de Kyle. Non, mais effectivement, je pense qu'il y a des intouchables. C'est comme si tu oses dire à un cinéphile que t'aimes pas Kubrick, c'est un drame. À l'époque, dans le métal, t'avais des groupes comme Tool, t'avais pas le droit de dire quand ils faisaient un mauvais album. Il y a des choses comme ça qui Tool, sont c'est à côté pas de Nancy, touchables. C'est... Exactement, c'est, il y a le festival oui, pardon, numérique. Pardon, je demande des excuses. Oui, la police du Congo vient de m'appeler. Porte du studio. Sache que tes excuses sont rejetées. Oui, je sais. Oui, je suis désolé. Je sais, je vais mourir dans un enfer spécial. Va dans la Black Lodge, ça te fera du bien. Mais je pense qu'il y a un autre truc aussi, c'est que aujourd'hui, j'espère, quand on ose dire à quelqu'un « je n'aime pas », on s'attend à ce que quelqu'un nous dise pourquoi. Et, oui. Et alors, bon courage pour expliquer pourquoi tu n'aimes pas la saison 3 de Twin Peaks. Parce que autant tout à l'heure, je disais que les deux premières saisons sont assez fluides et assez simples, autant la 3, c'est pas le cas du tout. Et c'est difficile, je pense, même en toute bonne foi, de mettre le doigt sur ce qu'on n'a pas aimé et pourquoi on ne l'a pas aimé en regardant cette saison 3. Même en étant moi-même une fan ultime de Twin Peaks, j'avoue que je me suis ennuyée à des moments dans la saison 3. Pour autant, jamais de la vie, je dirais que je n'aime pas la saison 3 parce que c'est pas vrai. Mais oui, il y a des points où on s'ennuie. Mais moi, je pense que c'est une suite logique de l'œuvre de Lynch. C'est-à-dire qu'avec Twin Peaks, les deux premières saisons, il casse les carcans de la télévision. Avec Fire Walk With Me, il casse les carcans du cinéma. Et avec The Return, il casse les carcans de la série. C'est-à-dire qu'il offre et il ose briser les narrations qu'on peut avoir d'habitude dans les séries. On parlait tout à l'heure de l'épisode 8 dans la saison 3. C'est un voyage, hein. Vraiment. Ça n'est jamais vu. On n'a jamais vu quelque chose de pareil dans une série. Romain, je pense que tu seras d'accord avec cet épisode. Ah, sur cet épisode, je suis absolument d'accord. C'est complètement fou et c'est complètement Lynch. Donc, pour moi, quelque part, c'est en plus un return. The Return, c'est aussi le retour de David Lynch, quelque part, aux commandes d'une véritable œuvre. Ce à quoi il n'avait pas déjà... Enfin, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas revu, justement, aux commandes de quelque chose. Donc, tout ça est logique. Et effectivement, je peux comprendre que parfois, on décroche. Mais c'est... On devrait tous pouvoir creuser un peu plus pour trouver l'essence même de cette série et du bonheur qu'elle procure. Et puis je soulignerai aussi que c'est vrai que post-Twin Peaks, David Lynch quand même commence à être un peu plus radical. Donc je pense qu'il a peut-être perdu des gens aussi pour ça. C'est-à-dire que, alors à part une histoire vraie qui est assez linéaire, on a quand même, on se déplace de territoire puisqu'on va le plus film, vers... Le film Une histoire vraie, on se déplace de territoire parce qu'on va en Californie. Mais il y a toujours cette idée de la corruption du mal, mais en termes de narration, c'est complètement éclaté en fait. Donc je pense qu'il y a peut-être des gens qui se sont perdus à ce niveau-là puisque c'était beaucoup plus classique dans sa facture au début de sa filmographie. Et par contre, pour revenir sur The Return, je dirais pas qu'on n'a pas d'émotion, en fait. Parce que moi, je trouve justement que c'est une saison très triste, en fait. Tous ces retrouvailles qu'on attendait avec les personnages, en fait, on se rend compte que c'est une série sur le temps qui passe. Et en fait, justement, la voir, c'est... personnages décrépir, on a des personnages qui ressuscitent à l'écran mais qui meurent un peu après, les au revoir de la femme à la bûche. Oui. Enfin, il y a quand même des moments, je trouve, quand on est fan de Twin Peaks et qu'on est attaché à ces personnages qui sont assez déchirants quand même. Bon, alors là, je vous propose de continuer cette conversation pendant la prochaine pause musicale. On entend mon groupe préféré actuellement. Mais oui, alors une des règles de l'humour, c'est de savoir s'arrêter avant d'être lourd. Donc on va arrêter avec les chansons qui donnent envie de boire de l'eau de Javel. On écoute une vraie chanteuse feel good, Sarah McCoy avec Someday. Someday I won't be so afraid. Someday I'll be in my best friend. Someday I'll grow into my thoughts. Someday I'll give up, giving up. Ooh, someday how it never comes. Oh. Well, now everybody we share is they've done something different. It's all over. So I sat down in my boat and I'm writing you this song. And I hope you feel better someday. Cause someday's the day now. Someday's the day. Someday's the day. And it never comes at all. Do what you can. Go on and run. Be everything you ever wanted to be. Calm. Cause someday's the day now. Someday's the day. Someday's the day. And it never comes at all. best friend. And someday I'll grow into my thoughts. Someday I'll give up, giving up. I know someday, deep down, know what I want. Someday I'll want what I have. And someday I know I will conquer this world. Someday I'll give it to somebody else. 'Cause everything is everything, great and small. And some days a day and it never comes at dawn. Some days a day, yes. Some days a day. Some days a day and it never comes at all. C'était Sarah McCoy dans Blockbuster sur France Inter. Vous vous rappelez que le jour de sa mort, Laura Palmer a écrit les mots suivants sur son journal, nerveuse en pensant au rendez-vous avec J ce soir. Nous allons nous concentrer essentiellement sur J. Harry, quand je vous le demanderai, vous voudrez bien lire à haute voix les noms que j'ai écrits sur ce tableau. Lucie, prenez ce morceau de craie. Pas trop près, Andy. Oh, je trouve ça passionnant. Et si je touche la bouteille après que le shérif ait cité un nom précis, vous faites un repère à la droite de ce nom. Oh, shérif, j'ai failli oublier. Quand vous citez le nom, il faut me rappeler brièvement ses relations avec Laura Palmer. Vous êtes prêt? Oui, oui, je oui. suis prêt. James Hurley, le petit ami secret. James Hurley. Docteur Laurence Jacobi, le psychanalyste de Laura. Docteur Laurence Jacobi. Lucie, précisez que la bouteille a été touchée, mais qu'elle n'a pas été cassée. C'est très important. Oui. Johnny Horn. Laura était son professeur particulier. Johnny Horn. Le suivant, s'il vous plaît. Léo Johnson, le mari de Shelley. Il est routier. Relation avec Laura... inconnue. Léo Johnson. Charlotte Bloom, on a beaucoup parlé du côté étrange de Twin Peaks, mais il y a aussi beaucoup d'humour. Ah oui, ouais, oui, oui, du décalage en tout cas, et puis des personnages grotesques. Là, on entendait brièvement Lucie et Andy, le policier qui pleure dès qu'il y a un drame. Ce sont des personnages très drôles, mais ça, c'est vraiment aussi une des marques de Twin Peaks, c'est que c'est un mélange des genres, mais vraiment de tous les genres. Parce qu'en général, on dit c'est un soap avec du fantastique, mais pas seulement, c'est un drame familial, c'est une forme de comédie, oui, c'est de la science-fiction. Il y a aussi un drame de succession avec la série, etc. Oui, il y a tout, et il y a même des scènes grotesques. Je pense à un dialogue entre Harry et Del Cooper, où il y a un lama qui passe entre les deux pour zéro raison, autre que la drôlerie de la scène. Et là, on sent aussi, dans la scène qu'on vient d'écouter, on sent Mark Frost, c'est-à-dire le côté « j'explique ce qui se passe, il faut que le public suive ». Et dans tous ces moments d'humour, c'est vraiment le côté Lynch, genre « mais moi, je m'en fous, cette scène, elle me fait rire, elle sert à rien, elle fait pas avancer le récit, mais je vais la mettre quand même ». Et pour nous, spectateurs, au-delà de la Red Lodge ou de la Black Lodge, bah, moi, je me souviens très bien du Lama, par exemple. C'est des scènes qui marquent beaucoup. C'est parce qu'elles servent aussi de sas de respiration, parce qu'on est un peu tendu, hein, quand même, oui. dans Twin Peaks. C'est vrai, c'est quand même une série où il y a des âmes qui peuvent être emprisonnées dans des poignées de meubles. C'est quand même pas tous les jours qu'on peut voir ce genre de cas arriver. Donc c'est ça aussi qui crée l'attrait, c'est qu'effectivement, on sait jamais à quoi on va s'attendre, on est surpris régulièrement, et les ruptures de ton, que ça soit justement dans l'humour ou dans le fantastique, sont générées par l'absurde, et c'est ça qui fait, je pense, que l'intérêt est toujours là, parce qu'on a envie de savoir la suite, on veut savoir ce qui va se passer après, quoi qu'il arrive. Il y a beaucoup de séries qui ont été inspirées par les expérimentations de David Lynch et Mark Frost sur Twin Peaks, mais il y a aussi un secteur entier qui a été inspiré par Twin Peaks, et un secteur beaucoup plus étonnant, c'est celui du jeu vidéo. notamment avec des jeux comme Silent Hill, même Persona, où le héros de la saga Persona se retrouve comme ça dans une Velvet Room, c'est vrai, avec un personnage qui lui Igor, qui lui parle et qui ressemble quand même étrangement au nain de Twin Peaks. Ouais, les références. Il y a Alan Wake aussi, pour les gens qui connaissent le jeu vidéo, où effectivement on voit aussi quelqu'un déambuler dans une forêt et essayer de trouver le pourquoi du comment. Et effectivement, je pense que quel que soit le média, Lynch de toute façon a été une immense influence artistique et créative. Donc c'est pas étonnant que ça se reporte aussi sur le monde du jeu vidéo. Romain Egita, est-ce que Lynch n'a jamais eu l'envie de faire une autre série que Twin Peaks ou il en a fait une autre avec Mark Frost qui s'appelle Unvier. Qui était j'ai bien fait de vous poser la question parce que je l'ai pas vu du tout. C'est passé sur Canal Jimmy à l'époque, mais aujourd'hui c'est plus disponible nulle part, c'est pas sorti en DVD, je crois qu'on trouve des laserdisques japonais. C'est une série qui n'a duré, je crois que 5 ou 6 épisodes, il y en a que 2 qui ont été diffusés aux États-Unis, c'était une catastrophe totale et c'était une comédie qui se passait dans les coulisses d'une émission de télévision dans les années 50. Oui, une espèce de troupe d'une émission de variété qui essayait de monter un show télé, évidemment, ça tournait à la catastrophe, et voilà. Et en effet, c'est passé complètement inaperçu, c'est plus disponible nulle part. Donc oui, ils ont tenté de faire de la télé, encore ce même duo, parce qu'ils s'entendaient très bien, Frost et Lynch, même si Frost n'a pas voulu participer au film Twin Peaks, parce que ça ne l'intéressait pas de faire une préquelle. Mais oui, il y a eu des tentatives, et Mulholland Drive, au départ, c'est un pilote de série télé. Pour ABC, la même chaîne que Twin Peaks, au final, le pilote, comme la moitié des pilotes, même plus, à la télévision américaine, n'a pas donné lieu à une série. Et c'est Studio Canal qui a appris que Lynch avait tourné ce truc-là. Ils ont dit, mais attends, t'as tourné un truc, ça sort pas, ils en font rien, montre-nous ça. Et il a montré ça à des responsables de Studio Canal qui ont dit, écoute, c'est génial, on te file un budget, tu complètes ça, tu rajoutes une demi-heure, tu nous fais un film. D'où la fameuse deuxième partie du film dans laquelle les personnages inversent un peu leur rôle. Mais au départ, ça devait être une série. Donc oui, Lynch est revenu plusieurs fois. C'est formidable, parce que David Lynch qui fait un pilote de série qui ne se tourne pas, et ça donne Mulholland Drive. Ouais, et Grand Prix du Festival de Cannes, chef-d'œuvre absolu, voilà. Bon, là, c'est genre, j'ai pas transpiré. Quoi. C'était un mardi, quoi. C'était déjà un peu arrivé pour le pilote de Twin Peaks, parce qu'il y a 20 minutes qui avaient été rajoutées pour la version européenne, justement, pour en faire un téléfilm un peu plus dense, si jamais ça ne débouchait pas en série, pour qu'on ait justement une conclusion à la fin. Et donc, c'est pour ça qu'il imagine la Red Lodge, parce qu'au départ, tous ces éléments-là, purement fantastiques, ne sont pas dans le pilote américain. Et il se dit au dernier moment, merde, faut que je rajoute un truc, je sais pas quoi. Et je crois qu'il était sur le parking de la salle de montage, il dit, tiens, il fait chaud, je vois des trucs rouges, allez, on va faire des salles rouges. Ah, je l'aime. Ça tient. Noreen Raja, assez rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, est-ce qu'il y aurait une série qui serait vraiment la digne héritière de Twin Peaks? Une seule, c'est... Ou plusieurs, peut-être. Alors, clairement, déjà, il y a eu une phase et qu'on voit encore, c'est-à-dire tous ces small town mysteries, c'est-à-dire toutes ces intrigues de crimes dans des petites villes. Donc ça c'est une mode qui je pense ne se perd pas, parce que c'est vrai que ça permet d'avoir une société à une échelle humaine, et puis il y a toujours cette histoire de creuser les secrets de chacun et tout ça, et puis même ça va jusqu'à des séries un peu improbables, jusqu'à Desperate Housewives pour moi, c'est-à-dire avec Kyle aussi, qui est d'ausculter ce qui se passe derrière ces maisons proprettes, et qui est clairement une fascination de Lynch depuis l'enfance, puisque il raconte dans son livre Room to Dream qu'il était se promener avec son frère et qu'il a vu une femme avec la peau blanche et puis une bouche écarlate et que ça l'avait marqué, qu'il se promenait autour des maisons en vélo et qu'il se demandait mais qu'est-ce qui se passe derrière ces rideaux. Donc voilà, c'est pour moi c'est vraiment une conclusion de son univers, quoi. D'accord. Alors là, j'attendais pas Desperate Housewives, mais effectivement. Et j'ai envie de vous dire même Riverdale, et qui a des vétérans de Twin Peaks. C'est-à-dire. Voilà. Donc Desperate Housewives et Riverdale. C'est la fin de cette émission. Noreen Raja, Charlotte Bloom, Romain Egita, Dedo. Merci. J'espère qu'on a donné envie aux auditeurs de voir ou revoir Twin Peaks. Merci également à Alexandre Chenet au mixage et Loïc Frapsos à la technique. Vous pouvez, comme d'habitude, nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter, discutez directement avec moi avec le hashtag BlockbusterFI. À la suite d'un rêve que j'avais fait il y a 3 ans, j'ai été profondément bouleversé par le sort du pauvre peuple tibétain. Et je veux absolument lui venir en aide. Je me suis aussi réveillé après ce même rêve en comprenant que j'avais inconsciemment acquis la connaissance de la technique de déduction qui implique une parfaite coordination esprit-corps travaillant avec le plus haut degré d'intuition. Lundi dans Blockbuster. un homme terrifié par les chauves-souris, bien avant le Covid. Une chatte féministe qui a lancé le mouvement MeowTo. Un pingouin très fâché de ne pas avoir été pris au casting d'Abbé Fit. Un film avec des pingouins, oui, mais pas réalisé par un manchot. Elle est bien bonne. Lundi, on parle de Batman Returns. France Inter.